Qu'en est-ce pas, ça? Ouais, parce que je l'ai pas qu'à commencer au... Eh merde! Eh merde! Putain! Putain, ça. Pas le caler ce truc. Et merde, je préfère arrêter. Bon, je crois que c'est l'heure d'aller boire un coup. Oui. Oui. Mon mécano. Oui.